Bienvenue dans le sous-sol, ça fait longtemps qu'on le squatte. Le rap nous a laissé tout seul depuis que les majors le doigt. Ce kidnapping remonte à quelques années. Depuis le ciel est gris, on a maigri, ces pauvres fleurs ont fané. L'atmosphère est glauque et les murs ont pourri, c'est grave. On dirait que nos lamentations ont nourri les rats. Les activistes se sont endormis, c'est grave. Voilà comment se déroule notre quotidien dans les caves. Mais on vise plus haut, on alimente nos rêves. La vie nous a déjà trop saoulés, donc on tisse plus trop. Quoi qu'on dise, quoi qu'on vive, quoi qu'on pense, ces bâtons sont déjà dans les roues à chaque fois qu'on se lance. J'entends une mélodie qui fait vibrer les parois. Crépitement, vinyle, un sample et une voix. T'as connu le rap, comment y'a plus qu'à monter par les câbles de l'ascenseur qui restait bloqué. On défonce les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Ça y est, j'espère que tu nous suis, on est au rez-de-chaussée. Ça sent le soufre, la guerre, la musique névrosée. J'ai peur pour le rap, y'a des instruments de torture, des cadavres de MC dans les ordures. Ici l'ambiance est lourde, y'a des guerres qui éclatent à tout va. Des embrouilles à deux balles, souvent réglées par des coups bas. De la merde sur le sol, tu m'étonnes que ça tombe sur nous en bas. On prend l'escalier et nous aurons pas. On se barre, c'est pas possible, le rap peut pas être ici. Premier étage, on dirait la même chose en rétrécit. Y'a moins de place, mais toujours ces mixtapes tous les 10 jours. Ces clips moisis, ces mecs vénères et ces bruits sourds. Je sais pas, fait kidnapper par des gangs, ça met. Il est sûrement prisonnier à l'étage du dessus, mec. Ça vend pas quand c'est sec, faut que les becs soient impecs. Faut qu'on quitte cette zone où les murs sont pas la bague. On défonce les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. T'es toujours avec nous, on est arrivé au troisième. Ici les gens le sourire, ils bougent sur les sons qu'ils aiment. Cette ambiance disco, lumière rouge, bleu, vert. Personne n'est impassible, aucun boule n'est inerte. Ça sent le shit, l'alcool et la go. Les fat beats, le pactole et les ragots. Le magot, les démagos et les go. L'odeur fumante d'un samedi soir et les mégots. Ici le problème n'existe pas car ce sont tous des moutons. Il y a un peu de lumière en haut alors nous montons. On y trouve la même ambiance et toujours les mêmes qui dansent. Encore les mêmes qui chantent en fonction des meilleurs ventes. C'est la loi du marché, si tu fais de poids c'est parti. Promo, photo, radio, prépare-toi sur les starting blocks. Précise que t'as débuté dans les parkings du bloc. J'espère que cet étage s'écroulera avec son époque. Les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Toujours en train de se frayer un chemin à la verticale. La lumière nous éblouit, c'est l'ascension terminale. En dessous j'ai encore cet air minable dans la tête. Mais j'entrevois un ciel que la réussite. On saute la trappe et on grimpe. La liberté on la attrape et on trinque. N'aura pas sa place sur le toit. Je me rends compte qu'on voulait nous confiner, nous interdire l'infini, j'en suis sûr de ça. Avant frère remplace la chaleur étouffante du bâtiment. Les colombes remplacent les grandes gueules fatigantes. C'est la clarté qui nous entoure et c'est fini les décors miteux. On a bougé, esquivé leurs autocorps hideux. Enfin libre, les bras ouverts à l'aube d'un nouveau jour. Les poings relâchés après avoir souffert. On a trouvé un nouveau monde et on sonde le sol. Et les ondes et nos torses se bondent sous cette air innocente. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Les portes de l'ascenseur et on y met du cœur. Danger pour vos institutions plus motivées, tu meurs. Sachez que chaque maître grimpé s'en éteint vers la gloire. Un pas vers la victoire, de pour refaire l'histoire. Un. Le deuxième EP bientôt dans les bacs. Table rase, Nicktep. Un. Printemps 2006. www.hikdheb.com. Ok.